Troisième partie, chapitre 18. L'attaque. Grâce à son uniforme de garde national, M. de Casalis put suivre les phases diverses de l'émeute. Dès le matin, lorsque Mathéus l'avait quitté devant la préfecture, il s'était glissé dans les rangs de la première compagnie qu'il avait rencontrée. Cette compagnie se trouvait être celle de Sauvert. Et l'ancien député assista ainsi à l'échauffourée de la rue de la Palue. Il ne connaissait que vaguement les plans de Mathéus. Une curiosité lui fit suivre toutes les manœuvres de ce dernier. Après la prise de la barricade, il vint avec la compagnie Sauvert sur la Canebière et fut témoin des malheureux événements qui s'y accomplirent. Quand il vit passer le sanglant cortège que conduisait l'espion, il comprit que la lutte devenait inévitable. Il se rappela le rendez-vous que son complice lui avait donné. Mais il fut pris d'une grande perplexité. Lorsqu'une terreur panique eut dispersé la foule, la prudence lui conseillait de ne pas quitter ses nouveaux compagnons d'armes. Pendant près de 2 heures, il resta sur la place de la Révolution avec la compagnie qui attendait des ordres pour marcher. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était de ne pas mieux connaître les projets de Mathéus, qui lui avait seulement dit de le rejoindre à l'endroit où s'élèveraient les barricades. Il fut brusquement tiré de sa perplexité par un ordre qu'un cavalier apporta et que le capitaine Sauvert communiqua en ces termes aux gardes nationaux. « Mes enfants, la patrie a besoin de nous. En avant, marche !» Jamais l'ancien portefaix n'avait prononcé un discours d'une telle éloquence. Il fut si enthousiasmé de lui-même qu'il se mit à remonter la Canebière à la tête de ses hommes d'un air vainqueur, sans trop songer au danger que sa vie allait courir. Monsieur de Casalis fut très étonné lorsque la compagnie tourna à gauche au lieu de se diriger vers la rue de Rome. Il croyait que les efforts de Mathéus tendaient à ramener la lutte du côté du cours Bonaparte, et il ne comprenait pas comment son complice pourrait voler Joseph si l'on se battait dans la vieille ville. Dès lors, il ne chercha plus à comprendre. Comme la compagnie arrivait à la hauteur de la Grand-Rue, il aperçut la barricade. Cela lui suffit. Il se dit qu'il était fidèle au rendez-vous. Il attendit les événements. Le cours Belzun s'était plein de troupes. Il y avait là 2 pelotons d'infanterie et environ 300 artilleurs. Dès que la compagnie Sauvert fut arrivée, le commandant qui avait reçu l'ordre d'attaquer les barricades eut une courte conférence avec le capitaine. « Je vous ai attendu, » dit-il à Sauvert. « J'ai ordre d'agir avec le plus grand ménagement, et j'ai pensé que la vue de l'infanterie exaspérerait les ouvriers davantage. Il est préférable que la garde nationale marche la première et qu'elle tente un dernier effort de conciliation. Parlez aux insurgés en compatriotes. » Sauvert pensa dès lors que le sort de la France était entre ses mains. Il forma sa compagnie en colonne et pénétra résolument dans la Grand-Rue. Les pas de ses hommes sonnaient dans le silence. Derrière les gardes nationaux, le commandant fit avancer ses troupes. Quand le capitaine se trouva à 50 pas de la barricade, il cria « Halte !» et s'approcha seul. À ce cri, une 15aine d'insurgés se montrèrent. L'ancien maître portefaix, en voyant luire les canons des fusils devant sa poitrine, eut un sourd frémissement de peur. Mais, par vantardise, il fit bonne contenance. « Eh, que diable ! » dit-il. « Je suis d'un ami, ne tirez pas. Nous sommes tous Marseillais. Nous ne pouvons nous égorger en famille. Il n'y a que de bons enfants ici, n'est-ce pas ? Déposez vos armes. » « Allons-nous-en chacun de notre côté. » Un seul cri répondit à ces exhortations. « Il est trop tard !»« Il n'est jamais trop tard pour agir raisonnablement !» continua Sauvert. À votre place, je rentrerai dans le devoir. On a dû vous dire que le commissaire du gouvernement se rendait à vos réclamations. Que voulez-vous de plus ? Nous voulons du sang ! Retirez-vous ! Crièrent de nouveau les insurgés. Tout en parlant, Sauvert suivait avec attention les mouvements des ouvriers. Il crut entendre un bruit inquiétant. Il allait se replier lorsqu'une voix forte cria derrière la barricade. « Prenez garde ! Baissez-vous !» Sauvert se laissa tomber lourdement sur le sol, et les troupes qui étaient derrière s'inclinèrent. Au même instant, une décharge partit de la barricade et des maisons voisines, passa au-dessus des assiégeants avec un bruit terrible d'orage. Grâce à l'avertissement qui avait fait courber la tête aux soldats, une dizaine d'hommes au plus furent blessés. L'attaque avait été si brusque, si peu attendue, que les gardes nationaux se débandèrent pris de panique. Sauvert se rejeta à gauche contre les maisons et regagna en toute hâte sa compagnie qui se reforma 100 pas plus loin. Pendant ce temps, une scène rapide se passait derrière la barricade. Monsieur Martelly et l'abbé Chastanier étaient restés au milieu des ouvriers, ne cessant de les supplier d'éviter l'effusion du sang. Tandis que Sauvert parlait, l'armateur remarquait que quelques furieux s'apprêtaient à tirer, et c'était lui qui avait crié aux soldats « Prenez garde, baissez-vous ». Lorsque les insurgés eurent constaté le peu d'effet de leur décharge, ils entourèrent rageusement Monsieur Martelly. Philippe, qui descendait de la barricade, comprit le danger que courait son ancien patron. Il le sauva en ordonnant à 2 insurgés de s'emparer de lui et du prêtre et de le garder à vue. On les conduisit tous 2 dans la petite boutique où se trouvait déjà Mathéus. Cependant, les troupes s'avançaient de nouveau. Le commandant avait donné l'ordre à l'infanterie d'emporter la barricade d'assaut. Quelques gardes nationaux, exaspérés par le feu qu'ils avaient essuyé, s'étaient mêlés aux soldats. Parmi ces gardes nationaux se trouvait M. de Casalis. Ayant aperçu Philippe au sommet de la barricade, il n'avait plus qu'une pensée, celle de tuer son ennemi en s'abritant sous quelque porte. Comme la nouvelle colonne d'attaque allait se ruer sur la barricade, une seconde décharge la repoussa. Cette décharge fut beaucoup plus meurtrière que la première. Un capitaine, blessé mortellement, alla expirer dans une maison voisine. Plus de 30 hommes furent mis hors de combat. Le commandant comprit alors que la lutte était inégale, qu'il ne s'emparerait jamais de la barricade s'il attaquait de front, car les insurgés retranchés derrière des abris de toutes sortes tiraient à coup sûr et les assiégeants ne pouvaient en faire autant. Dès ce moment, les soldats et les gardes nationaux se dispersèrent dans la grande rue, se jetant sur les côtés, le long des murs. Un feu de tirailleurs s'ouvrit. Les coups de fusil se succédaient irrégulièrement, ça et là. Dès qu'un homme se montrait, il était certain d'entendre une balle siffler à ses oreilles. Sauvert s'était réfugié sous une porte cochère. L'excellent homme commençait à ne plus trouver drôle le métier de garde national. Sa vanité avait d'abord été chatouillée de l'importance que lui donnait son titre de capitaine dans les graves événements qui se passaient. Mais lorsqu'il avait vu qu'on se battait pour tout de bon, sa pitié bourgeoise s'était éveillée et il regardait les hommes tomber autour de lui d'un air larmoyant et effrayé. Il eût voulu pouvoir arrêter la lutte, d'abord pour ne plus courir le risque d'attraper quelques balles, ensuite pour s'éviter le spectacle désagréable d'une bataille. Il n'aurait pas tué une mouche. Il ne songeait qu'à assurer sa sécurité personnelle et à venir en aide aux amis qu'il pouvait avoir dans la bagarre. Par un hasard, il se trouvait caché sous la même porte que M. de Casalis. Il reconnut l'ancien député et retint un geste d'étonnement. Connaissant la haine qui l'animait contre les Cayoles, il expliqua sa présence en cet endroit, sous un déguisement, par une pensée de vengeance. Il avait vu Philippe sur la barricade, et il se mit à surveiller M. de Casalis, qui, le fusil en arrêt, semblait attendre. Le républicain s'était dressé pour recharger son arme. Le légitimiste épaula vivement et lâcha son coup de feu. mais Sauvert, feignant de trébucher, l'avait heurté, et la balle alla s'aplatir sur la façade d'une maison. Monsieur de Casalis, exaspéré, n'osa injurier le capitaine, sous les ordres duquel il s'était rangé volontairement. Il glissa une nouvelle cartouche dans son fusil, en dévorant sa rage, tandis que Sauvert se disait « Eh, que diable! Les Caillols sont mes amis. Le petit Marius m'a fait bien rire autrefois avec la clairon. Je ne les laisserai pas tuer comme cela. Ouvrons l'œil. » Et dès ce moment, il oublia qu'il était capitaine. Il ne songea plus qu'à faire plaisir au petit Marius en sauvant Philippe. Ce dernier ne se doutait guère du danger auquel il venait d'échapper. Enfiévré par la lutte, il se battait en désespéré. Ses incertitudes s'en allaient. Il croyait défendre son enfant. Il tirait sur les troupes parce que les troupes tiraient sur la maison où se trouvaient Fine et Joseph. C'était là son grand désespoir. À chaque instant, il levait les yeux sur la fenêtre de la chambre et il pâlissait lorsqu'il voyait une balle faire voler en éclats un carreau de cette fenêtre. À la fenêtre voisine, par moments, M. de Girousse se penchait pour mieux voir avec un superbe dédain du péril. Il rassurait Philippe de la main, puis il jouissait, en amateur, du spectacle que lui offrait la barricade. Pendant près d'une demi-heure, la lutte continua ainsi. Les soldats et les insurgés échangeaient des balles de loin en loin. Il y avait des silences de 2 ou 3 minutes, lugubres. Puis, un coup de feu partait. Un cri s'élevait et le silence retombait, plus lourd. Les pantalons rouges des soldats étaient d'excellentes cibles pour les ouvriers, qui purent tuer ainsi un grand nombre d'hommes. Quant à eux, ils se cachaient mieux. Mais dès qu'un coup de feu sortait d'une fenêtre, cette fenêtre était aussitôt criblée de balles. Les insurgés qui s'étaient portés sur les terrasses et qui faisaient pleuvoir de là une grêle de pierres souffrirent davantage de la fusillade. À plusieurs reprises, on vit des hommes rouler des toits et s'écraser sur les pavés. On les avait tués au bord des gouttières comme des moineaux. La lutte pouvait durer de la sorte jusqu'au soir. Cette guerre de tirailleurs était en somme beaucoup plus meurtrière qu'une attaque franche et décisive. Une trentaine de cadavres gisaient déjà sur le sol au milieu de mares de sang. Dès le premier coup de feu, Marius était descendu dans la rue. Puisqu'il n'avait pu empêcher la lutte, il voulait au moins venir en aide aux combattants. Par ses soins, on établit une ambulance dans une boutique de la place et il s'occupa activement du transport des blessés. Comme il passait derrière la barricade, un homme tomba de son côté, frappé mortellement. Il se pencha vers lui et reconnut avec surprise Charles Blétry, l'employé infidèle de la maison d'Ast et de Gand. Ce malheureux le reconnut également, et voyant le jeune homme s'empresser, « C'est inutile, Marius, » lui dit-il avec un pâle sourire. « C'est fini, je vais mourir. Ah, le ciel est bon de vous avoir conduit vers moi. » Il reprit avec effort les mains déjà tordues. « Je vous le jure, je n'ai pas déchargé mon arme. J'ai été entraîné par les camarades. J'ai dû faire comme les autres. Écoutez, j'ai un service à vous demander. Promettez-moi d'accomplir mes dernières volontés. » Blétry se souleva péniblement et détacha une ceinture de sa taille. Comme il attendait à Marius, il fut pris d'une convulsion et la ceinture tomba sur le pavé, en laissant échapper quelques pièces de monnaie. Lorsque l'ancien employé put parler, « Cette ceinture, » ajouta-t-il, « contient 100 francs. Veuillez la remettre à messieurs d'Ast et de Gand et dites-leur que ce n'est pas ma faute si je ne leur ai pas remboursé entièrement la somme dont j'ai fait un si mauvais usage. » Et comme Marius le regardait avec étonnement, « Vous ne savez pas, » murmura-t-il encore d'une voix éteinte, « on m'a fait grâce de 2 années. Il y a 3 ans que je suis sorti de prison. Et depuis 3 ans, je travaille comme terrassier. Sur les 130 francs que j'ai gagnés chaque mois, j'en ai remis régulièrement 100 à mes anciens patrons. Je n'ai pu m'acquitter que de 3 000 et quelques francs, mais j'espérais gagner davantage plus tard. J'avais fait le rêve de consacrer ma vie entière au remboursement de ma dette. La mort vient trop tôt. Les mots se brisèrent dans sa gorge. Il eut une courte agonie et expira, la face convulsée, les membres raidis. Marius avait été saisi d'une sorte de respect en face de cette mort terrible. Le misérable qui gisait là lui paraissait grand de douleur et de remords. Il prit la bourse et il allait s'éloigner lorsqu'il entendit un grand bruit du côté des rues de la Lune d'Or et de la Vieille Monnaie. Tout d'un coup, il vit les soldats et les gardes nationaux déboucher dans ces rues et envahir la place. Durant les quelques minutes que Marius avait passées près de Blétry, de graves événements s'accomplissaient. Tandis que la fusillade continuait à la barricade de la Grand-Rue, deux autres corps de troupes avaient attaqué les insurgés par les ruelles de la vieille ville. Une colonne vint faire le siège de la place aux œufs du côté de la rue Requinovis. Arrivée au bout de la rue Pierre-Quirage, cette colonne s'arrêta en apercevant la barricade que les insurgés avaient élevée de ce côté. Un commissaire de police qui précédait la colonne s'avança alors et exhorta les ouvriers au calme et au devoir. Pour toute réponse, on lui cria que le peuple avait été provoqué et presque au même instant, il eut le bras cassé d'un coup de feu et avait à peine eu le temps de se retirer qu'une décharge générale accompagnée d'une pluie de pierres et de tuiles s'abattit sur la troupe. Ce fut comme un grondement de tonnerre et la rue s'emplit de fumée. Les soldats surpris se jetèrent sur les côtés, le long des maisons. Une guerre de tirailleurs s'établit comme dans la Grand-Rue. Ces échauffourées de carrefours sont terribles. Une poignée d'hommes y tient souvent en échec toute une armée. Pendant que la fusillade s'établissait ainsi sur deux points, une autre colonne qui devait être plus heureuse s'avança vers la barricade barrant la Grand-Rue du côté du palais de justice. Cette colonne venue de l'hôtel de ville ne s'approcha pas, essuya seulement le feu d'un factionnaire qui se replia aussitôt, et jugeant qu'il était impossible d'emporter le retranchement sans artillerie, elle se décida à tourner la position. Elle entra donc dans la rue Belzunce, où elle trouva une trentaine d'insurgés qui firent une décharge et qui se sauvèrent ensuite les uns dans la rue des Marquises, les autres dans les rues Sainte-Marthe, Sainte-Barbe et du Moulin d'Huile. Les soldats les poursuivaient au pas de course, essuyant quelques coups de feu auxquels ils ripostèrent et fouillèrent en outre 2 ou 3 maisons dans lesquelles ils arrêtèrent un certain nombre d'insurgés. Mais ils n'osèrent pénétrer dans la rue des Marquises, qui les eut conduits tout droit à la place aux œufs. Cette rue qu'ils supposaient barricadée leur parut étroite et dangereuse. Ils craignirent d'y être écrasés par des projectiles lancés des toits et des fenêtres. La colonne continua de tourner la place. Arrivée sur la place Saint-Martin, elle se divisa. Une partie pénétra dans la rue de la Lune d'Or, une autre dans la rue de la Vieille Monnaie. Le plan était de déboucher en masse sur la place aux œufs, où en effet, les deux détachements arrivèrent presque au même instant. Les soldats se ruèrent sur les barricades qui, de ce côté, avaient été moins solidement construites. Surpris par cet élan irrésistible, les insurgés s'enfuirent en désordre et se réfugièrent dans les maisons. Pendant quelques minutes, ils arrêtèrent la colonne en ouvrant sur elle des fenêtres une fusillade très nourrie. Mais bientôt, leur feu se ralentit, les soldats passèrent sous les balles au pas de course et se trouvèrent au milieu de la place aux œufs. Marius, en apercevant les uniformes des vainqueurs, comprit que son frère était perdu s'il ne le dérobait sur le champ à une arrestation certaine. Il courut à la barricade de la Grand-Rue. Philippe, tournant le dos, tout occupé à se défendre, ne s'était pas aperçu de la victoire des troupes. Comme les deux frères se dirigeaient vers la maison où se trouvaient Fine et Joseph, ils virent qu'ils n'auraient pas le temps d'en atteindre la porte, et ils se jetèrent dans une maison qui faisait face à celle-là. Ils barricadèrent la porte désespérés. N'osant se communiquer les craintes que leur causait l'abandon forcé de l'enfant et de la jeune femme. Sur la place, un tumulte épouvantable régnait. Quand les insurgés s'étaient aperçus que les soldats et les gardes nationaux venaient de se rendre maîtres de la position, ils avaient imité Philippe et Marius en courant se réfugier dans les maisons. Les colonnes qui attaquaient les barricades de la Grand Rue, de la rue Rukinovis, s'étaient d'abord étonnées de voir cesser le feu. Puis, comprenant ce qui se passait, elles avaient renversé les barricades abandonnées et étaient venues rejoindre les vainqueurs. La place se trouvait ainsi pleine de troupes qui se préparaient au siège des maisons, au milieu d'un vacarme assourdissant. Ce fut alors que l'insurgé qui gardait les trois prisonniers dans la petite boutique prit la fuite. Mathéus se glissa dans la foule et disparut, tandis que M. Martelly et l'abbé Chassagnier, tristes, immobiles, se tenaient sur le seuil, s'attendant à de terribles représailles. Et par moments, la tête curieuse de M. de Girousse se montrait à la fenêtre qu'il n'avait pas quittée depuis le commencement de l'action.